reconverti en Africain. Pourquoi as-tu choisi ce triste destin? Rastablau, Rastablau, Rastablau, Rastablau. Tu fumes des jouets toute la journée en écoutant du Bob Marley. Tu as des enfants métissés, pour toi c'est ta seule vérité.